Y'a quelques sujets où je suis naïf, les perspectives de ma life comme l'embrouille, je sais que les mais je suis comme ce muet dans la manie. Je vais me faire entendre pour me plaindre. J'expose ma vision comme un peintre, on le retournera votre monde, vous avez bien raison de nous craindre. Las mal, ismal, tu nous connais. Le groupe de Bruxelles en plein essor, tu dis pas donc, donc reste honnête, faut qu'on nous paye pour nos efforts. J'ai mes qualités, j'ai mes torts. La rime est crue, c'est comme un cri, c'est le dernier cru, t'as pas compris, c'est qu'on te pèse pas assez fort. Bref, parle à tes potes. Dis-leur que Las mal a des parcs, que ce putain de groupe arrache les portes, nous on s'en branle que ça déborde. J'ai pas la piste de l'élégant, plutôt la pif de l'éléphant. Fuck leur piste de fainéant, notre zik vient pénétrer le néant. Ferme-la, écoute chanter les anges. Je reste de marbre, mes pensées dérangent. Tout s'efface alors que passe le temps. Je vois mes soupirs balayés par le vent. Je reste de marbre quand mes pensées dérangent. Ferme-la, écoute chanter les anges. Au loin sonne une mélodie enivrante. Brise le néant comme un cri d'un silence. Entre nous, pas besoin de vous dire, taisez-vous. Qui fout le bordel, qui fait retentir les cris. Ouais, c'est nous, espèce de. Avec mon stylo, je t'asperge la gueule. On est venu combler le silence comme toi avec ta meuf. Pour faire tout ce qu'on a fait, on a su et vieux. Donc pour ce projet-ci, allez, on l'est mieux. Cette année, on va pas se rater pour nous, la lune c'est clair. Sors avec mes loups affamés et de cette brume épaisse. Pour tout niquer, on est sacrément chaud. On va rien lâcher, madame Axé Anto. Mes frères, oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plus nous entendre quasi impossible comme le calme dans un festival. Un murmure dans le silence, un cri dans le vent offert d'une pierre de coups. Quand je vois le taf accompli, je me dis qu'on peut être fier de nous. Faut faire rentrer la thune, je suis pas le banquier de ma plume. Y'a aucune gloire à se pavaner sur les sentiers battus. Terminer l'arrogance, j'ai hissé le drapeau blanc. Faire du rap en Belgique, c'est pire que crier face au vent. Il me reste encore une once d'espoir. Dites à ma femme qu'elle s'inquiète pas, que je vais lui faire les plus beaux gosses du monde. Et remercie ma mère de m'avoir mis sur la terre. Il me reste des jolies choses à vivre et un tas de trucs à faire. On nous a traités de fous, mais je compte bien rester debout. À observer mes faces se répandre comme une traînée de poudre. Cette petite voix me rend nostalgique. Je repense au passé, aux personnes que je reverrai plus. Au moment que j'ai caché, les erreurs se payent. Les frayeurs viennent après, tu doutes de toi, c'est clair. Les meilleurs perdent aussi. Je revois les images en boucle sans cesse. Dans cette pièce où le silence règne, j'avais plus quoi faire en vrai. J'sais toujours pas, même si le bilan se fait. Est-ce qu'un mythe en paye? J'perds mes repères, si tu m'entends parler, c'est grâce au mic. Sais-tu ce que c'est de nager face aux vagues? C'est pas gagner d'avance, non. Faut s'armer de patience. J'vous incite à ne plus craquer face au diable. Ferme-la, écoute chanter les anges. J'reste de marbre, mes pensées dérangent. Tout s'efface alors que passe le temps. J'vois mes soupirs balayés par le vent. Je reste de marbre quand mes pensées dérangent. Ferme-la, écoute chanter les anges. Au loin sonne une mélodie enivrante. Brise le néant comme un cri d'un silence. Je suis comme un hurlement dans une pièce sans bruit. Je vois mes rêves s'enfuir. Je crois que mes frères s'ennuient. J'ai trop craqué face à mes chances. Faire du fric dans le rap, c'est comme ça, c'est la baleine blanche ou combattre des moulins. Et le constat est tout simple. Omnubilé, trop dur, j'y vais vers la seule lumière dans l'obscurité. Non, pas de drogue dure, je parle au pur. On a franchi des barrières, pourtant on se retrouve face au mur. Putain, pire, je rêve, le vice me tait chaque jour. Et je risque de perdre la boule quand je vois le vide que laisse l'amour. En moi se forme un bruit lancinant. J'ai blessé mon corps et refermé mon cœur pour ne plus entendre ces cris dans le silence. Ferme-la, écoute chanter les anges. Je reste de marbre quand mes pensées dérangent. Tout s'efface alors que passe le temps. Je vois mes soupirs balayés par le vent. Je reste de marbre quand mes pensées dérangent. Ferme-la, écoute chanter les anges. Au loin sonne une mélodie enivrante. Brise le néant comme un cri dans le silence.